para volverla a ver. Es que mi cuarto me desespero. Huele mi casa a la mujer que quiero. Tan bonita, señorita. Seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Salut à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Merci d'écouter justement la radio à travers le 96.2 MHz sur la région orléanaise et sur radio-arc-en-ciel.com ou .fr comme vous voulez. Ça marche les deux. Donc vous pouvez nous écouter partout dans le monde hein, grâce à Internet. Et aujourd'hui, c'est l'émission Mavrica à partir de 19h jusqu'à 22h. Et aujourd'hui, c'est l'édition numéro 526. Et comme vous le savez, on a régulièrement dans l'émission Mavrica, hein, de plus en plus, hein, parce que après le Covid, c'est un petit peu compliqué. On a de plus en plus des invités dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ils ont tous quelque chose à nous dire. Il faut bien les écouter. Et c'est pour ça que je suis là pour leur servir de porte-voix. L'émission Mavrica, c'est avec Albino. Et ce soir, nous recevons un invité comme tous les vendredis. Et ce soir, c'est notre ami Yous qui est là. Donc, on a fait vite. Pourquoi ? Parce que Yous va pouvoir rester avec nous toute la soirée. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre la priorité sur notre invité. Et puis, après, on se retrouvera avec deux heures où on pourra passer plein de bonne musique encore, comme on a l'habitude de le faire dans l'émission Mavrica, pour découvrir les artistes régionaux et d'ailleurs. Voilà, on est dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On a fait vite, hein. Pourquoi ? Parce qu'on a très peu de temps pour parler justement de notre invité. Alors, il a un message à nous faire passer ce soir. Il a beaucoup de messages, à mon avis. Il a beaucoup de choses à nous dire. Et il était venu dans l'émission spéciale Yavana il y a quelques semaines. Et il est là à nouveau dans l'émission Mavrika, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il s'agit de Yous. Ça va, Yous ? Yes. Salut, Albino. Ça va ? Ça fait plaisir de te revoir. Ouais, content. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et de Mavrika. Donc voilà, bah écoutez, content d'être encore de retour à la maison, ça fait plaisir. Voilà, tu es déjà venu à plusieurs reprises, hein, tu es un habitué, tu sais où se trouve le studio. Ouais. Tu sais, c'est l'émission Mavrika, c'est de 19h à 22h. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, tu pourras pas rester jusqu'à la fin parce que tu as un autre rendez-vous derrière, mais on va faire quand même, c'est-à-dire on va te donner le maximum la priorité donc dans cette émission parce que tu as pas mal de choses à nous dire et à nous faire découvrir. Oui. Alors tu nous as amené pas mal de musique. Alors ouais. La musique, on va peut-être te diffuser un petit peu moins, parler un petit peu plus. Ouais. C'est la première heure. Et puis après, on diffusera de la musique pendant le reste du temps. Tu nous en as amené assez pour qu'on tienne un certain nombre de minutes. Yes, ouais, j'amène un petit peu d'actualité, notamment un petit concert qu'on fait là le 12 novembre avec Interlion Sound System. Donc si vous avez la chance de pouvoir vous connecter sur les réseaux sociaux, il y a quelques affiches, il y a 2-3 affiches de Mavrika qui sont super sympas d'arc-en-ciel. Et également c'est cet événement le 12 novembre au Manhattan Le Bar à Aubigny-sur-Nère. C'est dans le 18, donc n'hésitez pas aussi à aller visiter un petit peu les petits villages de votre région. C'est un beau petit village où il y a un super bourg et une belle histoire aussi, parce que là-bas il y a une reine d'Écosse qui avait posé ses valises là-haut à un temps donné. Dans l'histoire de cette petite ville est vraiment magnifique. Vraiment, si vous avez l'occasion d'aller à Aubigny-sur-Nère, bah il y a le Manhattan, le bar. Déjà, il fait des super trucs à manger. Tu vois, moi j'ai mangé une fois là-bas, c'est n'importe quoi. Comment c'est bon. D'accord. Bah, c'est on dit n'importe quoi, mais en fait c'est génial, tu vois. C'est génial. Et quand tu dis n'importe quoi, ça veut dire que tu as pas de mots pour le dire. Exactement. C'est comme ça. Et en fait, une spécialité turque. Alors c'était des petites boulettes de viande, tu vois, enrobées dans une dans une sorte de petite pâte frite. Alors qu'il est, les auditeurs, je suis sûr qu'ils sont en train de se préparer à manger. Voilà. Ils commencent à avoir le ventre qui gargouille un petit peu. Et en écoutant l'émission Mavrika, je crois que là, ils ont vraiment un petit creux. C'est le bon horaire. Effectivement, 19h10, c'est très très bien. Et c'est l'heure de l'apéro. Là, les gens, ils sont en train de grignoter et ça peut leur donner l'eau à la bouche. Effectivement, Aubigny-sur-Nère, c'est des belles choses à voir, des belles choses à manger et de la bonne musique. Parce que Yous fait un concert le 12 novembre au Manhattan Le Bar. Le 12 novembre, donc c'est quel jour ? C'est un samedi, ça ? Ouais, c'est samedi là. Il y a le vendredi 11, c'est férié, c'est le 11 novembre. Ah bah oui, le 11 novembre. Donc si vous faites le pont, vous avez de la chance d'avoir un petit peu de temps libre et que vous avez envie de sortir un peu de chez vous et de pas rester cloîtré à jouer aux jeux vidéo, à regarder Netflix. venez voir du spectacle vivant. C'est ce que je vais proposer le samedi 12 novembre au Manhattan Le Bar à Aubigny-sur-Nère. Et puis en ce moment, comme le temps il est en train de se rafraîchir un petit peu, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir se mettre sous la couette et puis regarder la télévision ou alors les autres écrans. Ouais. Mais facilité. C'est la facilité. Il faut un petit peu sur violence des fois et puis sortir. Et puis ouais. Je crois que de toute façon là-bas il y aura du soleil. En ce moment la météo elle est super agréable, alors dès qu'on perd 5 degrés on a tout de suite froid alors qu'il fait super chaud. Venez, on va vous réchauffer le cœur, c'est le principal. Donc il y aura un concert, et alors qu'est-ce qu'il y aura dans ce concert ? Alors, donc là je suis accompagné d'Interlion Sound System, donc ça c'est vraiment des acteurs du reggae qui ont vraiment une bibliothèque de vinyle hyper intéressante et des exclusivités, on appelle ça des dub plates. C'est vraiment des spéciales qu'ils ont pu enregistrer avec des gros artistes jamaïcains. Donc ils vont proposer vraiment une écoute vinyle mix reggae qui est hyper intéressante et hyper rare. Donc c'est hyper intéressant. En plus le concert est gratuit, donc venez et vous en avez pour vos oreilles, quoi. Parce que vraiment là c'est des exclusivités, des raretés que vous aurez la chance de pouvoir entendre avec Interlion. Et puis moi je propose un concert d'une heure, donc c'est 2 fois 30 minutes, où je propose des nouveaux morceaux. Là tu vois je suis dans ma petite vague reggae en ce moment, tu vois, c'était la fin de l'été, donc j'avais une belle inspiration, je revenais d'un gros festival. Et donc voilà, là je propose c'est une proposition reggae là que je mets en évidence, tu vois. D'accord, parce que toi tu es un artiste qui touche un petit peu à tout, hein. Ouais, t'as connu avec Le premier morceau qu'on a connu, c'était avec Didier, à l'époque, il m'avait fait découvrir, c'était Méditerranée. Ouais, donc toi tout seul, une voix à la guitare, et ouf, on dit, oh là, ça, c'est un, voilà le super truc, super bien et tout ça. Ah, et cool. Donc on t'a reçu, et puis c'est vrai qu'il nous a proposé des fois des d'autres ambiances. D'autres ambiances, hein, ouais, des fois un peu plus soul, des fois soul dance, d'autres fois c'était un petit peu plus hip-hop. Un peu plus hip-hop. Et là, cette fois-ci, c'est avec la couleur reggae. Ouais, ouais, c'est en fait, si moi je me classerais plutôt dans les musiques du monde, tu vois, c'est-à-dire que avec plusieurs influences, parce que c'est vrai que j'adore les États-Unis, j'aimerais trop aller en Asie. Moi, si j'avais les moyens, je voyagerais tout le temps, en vérité, tu vois. Sauf que là, tu vois, on peut pas faire ce qu'on veut dans la vie, je voyage par la musique, par les documentaires, par plein d'autres choses. Il y a plein de moyens de substitution, donc du coup, c'est faire de la musique, ce serait comme voyager. Si à chaque fois tu fais le même voyage, c'est pas intéressant, tu vois. Donc à un moment donné, tu vas faire du reggae parce que tu vas en Jamaïque, un petit coup dans ta tête. Après, hop, tu finis par faire une prod un peu hip-hop asiatique. Tu finis en Malaisie dans ta tête, tu vois. Donc, ouais, non, mais c'est un peu ça, tu vois. L'idée, c'est d'avoir un pied sur la lune et d'être un peu partout et nulle part, tu vois. Et c'est vrai que là, je suis dans ma période reggae. Mais tu vois, tu fais bien de me parler de Méditerranée parce que c'est le premier morceau avec lequel j'ouvre mon concert, tu vois. D'accord. Qui est vraiment représentatif aussi de ce que je peux faire et que ce que je vais faire dans le futur, parce que c'est vraiment ma musicalité, en dehors du fait de poser sur des prods qui sont déjà faites. Là, vraiment, on se rend compte que la musique est au service du texte, et sur ce morceau, c'est encore plus évident, tu vois. D'accord, bah très bien. En tout cas, donc on va rappeler la date, le 12 novembre, c'est à Aubigny-sur-Nère. Exactement. Donc c'est dans le 18, hein, le département 18. Ça fait combien de kilomètres d'Orléans à peu près? C'est pas très loin, on est à 45 minutes. C'est un truc comme oui, ça. 45 genre, minutes, 45 oui, minutes, c'est cool. Ça reste cool. Ouais. Je vous dis, voilà, vous allez aller là-bas, vous allez arriver, c'est une super bonne ambiance, d'accord. Vous pouvez manger vraiment, mais super bien. Vous pouvez faire une petite soirée reggae hyper intéressante avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire une bonne ambiance, des personnes, je pense, agréables. Jusqu'à preuve du contraire, tout se passe très bien, dans un bon esprit et puis du love, beaucoup d'amour surtout, c'est ça le truc. C'est ça, c'est le plus important de toute façon dans la vie et dans le monde, c'est ça. Hein. Bah ouais, c'est l'amour. Voilà. C'est ce que je représente aujourd'hui, tu vois. C'est ce qu'on dit souvent dans l'émission Mavrika en tout cas. Je propose qu'on écoute un petit morceau parce que justement on a envie d'écouter. Vas-y, c'est cool. Comment ça se passe quand Youss fait des morceaux de reggae. Ouais. Alors moi j'ai eu la chance de l'écouter cet après-midi parce que j'avais télécharger les morceaux que tu m'avais envoyés. Yes. J'ai pu les écouter un petit peu et donc tu as envie de diffuser déjà deux morceaux. Ouais. Le premier c'est reggae. Ouais, le reggae, ouais. Mais tu l'as écrit reggae comme R-E-G-U-E. Voilà. Ouais, je l'ai écrit différemment effectivement. L'idée c'est que moi j'aime bien le son, donc en fait. Pour moi, la priorité, si tu sépares en trois catégories l'artistique, c'est-à-dire image, son et texte. Moi, je suis d'abord en priorité sur le son. Donc, je vais être plus sûr de la phonétique, tu vois. Mmh. Et c'est ce qui, pour moi, doit influencer mes créations. C'est d'abord le son, en fait. Mais tu sais, je crois que même en Jamaïque aussi, ils ont ce côté-là aussi. Ils écrivent, ils parlent en anglais, mais ils écrivent l'anglais un peu phonétique aussi. Parce que je crois que ça, c'est un petit peu les créoles dans l'ensemble, ils font ça. Hein. Franchement, j'étais super bon en dictée quand j'étais petit. Hein. J'adore le français, je trouve que c'est une langue magnifique. Et avec toutes ces subtilités, tu vois, et ces règles vraiment reloues des est-ce qu'on n'entend pas, etc., etc. Mais voilà, j'ai aussi ce côté artistique décalé qui permet aussi à un moment donné de faire évoluer les choses, parce que les choses sont établies. Et comment aujourd'hui on fait progresser le monde, tu vois. C'est aussi en bousculant des codes, tout en respectant évidemment ceux qui les ont inventés et l'histoire des choses. Hein. Moi, je dis pas qu'il faut effacer tout le monde. Hein. Je dis qu'il faut évoluer. De toute façon, on pourra pas aller contre l'évolution. Et qu'une erreur peut être une force, en fait, au final, quelque part. Tu vois, l'échec peut être un diplôme aussi, tu vois. Donc, on peut voir les choses comme ça, sur ce point de vue-là. Et le simple fait de changer l'orthographe d'un mot, ça t'emmène sur une dimension philosophique un peu différente, tu vois. On écoute tout de suite le morceau « Reggae ». Thank you.

ou d'autres aux grandes villes. Hein. Ça peut être grandes civilisations, peut-être. Voilà. Aussi, et en disant, voilà, Babylone, c'est un peu ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut être très haut et puis un jour s'écrouler aussi à nouveau. Donc c'est un peu une mise en garde, un peu peut-être pour mais tu vois, pour les gens. Dans le texte, tu vois, j'amène un truc du genre, je suis pas du tout jamaïcain, mais j'adore le reggae, tu vois. Et quand tu vois Bob Marley, l'influence qu'il a eu dans le monde entier, tu vois, c'est incroyable, quoi. Bob, il est connu en Inde dans des coins improbables, tu vois, qui sont pas du tout jamaïcains ou new-yorkais ou européens, tu vois. Et c'est ce que je trouve extraordinaire. Ouais, et c'est ce que j'ai voulu, en fait, essayer de faire ressentir aux gens, c'est que le reggae, en fait, passe partout, en fait. Il passe partout. Et tout dans à fait. Le monde entier, en fait, dans tous les styles musicaux, il y a un petit peu de reggae. Et voilà, et c'était cette ironie, au travers de cette ironie du texte, que je voulais aborder ce. Mais là, ce que tu nous dis, c'est un peu, ça me rappelle un petit peu les gens qui disaient, voilà, il y a pour faire du jazz, il fallait être noir, etc. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, heureusement, finalement, c'est une culture. C'est pas forcément que dans les gènes. Il y a peut-être, on peut dire que voilà, il y a des influences, etc. Mais j'ai même envie de te dire que c'est un sport. C'est un sport, c'est-à-dire que tout le monde peut pratiquer, tu vois. Tout le monde peut pratiquer, voilà. Voilà. Exactement. C'est-à-dire quelqu'un qui est bien dans la culture reggae ou jazz ou ce que tu veux, qui l'a bien appris, qui connaît bien les trucs, peut le faire très bien, quelle que soit sa couleur, quelles que soient ses origines, on s'en fout. Moi, j'ai juste envie de mettre en lumière, qui est déjà en lumière, mais il y a une fille que j'adore, qui a 16 ans, qui s'appelle Angelina Jordan. Je vous invite à écouter cet artiste. Elle a commencé avec un morceau, elle avait 8 ans. C'est genre, tu sais, elle a été découverte dans les télécrochets, genre les nouveaux talents, tout ça, les norvégiennes. Mmh. Elle a une voix, c'est incroyable. Et justement, elle est dans le délire, genre Amy Winehouse, tu vois, Aretha Franklin et tout ça. Pourtant, c'est une blanche, mais elle a une voix. T'as l'impression que c'est une black américaine des années 60, quoi, tu vois. Mais elle a travaillé, c'est et là puis où c'est magnifique. Sa culture aussi. Et voilà. Je suis sûr que c'est son inspiration. C'est l'idée d'exploser tous les codes, en fait. Et tous les préjugés, les jugements que telle personne ou tel profil, machin. On peut évoluer, on peut changer, on peut progresser, on peut rêver de devenir quelque chose. Il faut redonner un peu d'espoir aux gens et croyez en vos rêves. Faites ce que vous avez à faire. Après, voilà, chacun son truc. Moi, je suis pas là pour juger. Et je suis là juste pour expliquer ce que je ressens et essayer de me motiver avec les gens. On est ensemble, quoi. Voilà, il faut se donner un peu de force, un peu d'amour, quoi, tu vois. Voilà, donc les gens qui t'écoutent ce soir pourront te retrouver le 12 novembre au Manhattan. Donc c'est à Aubigny-sur-Nerre, voilà, dans le 18. Donc Nerre, ça doit être un affluent de la Loire ou un petit fleuve, tu vois. Oui, je suppose. Oui, je suppose aussi. Saint-Cyr-sur-Loire. Tout à fait. Ouais, venez avec plein d'amour. Moi, je serais content de vous rencontrer si vous avez envie de me voir. On pourra discuter ensemble, manger ensemble, chanter ensemble. Il y aura un open mic. Moi, j'ai un ami qui va venir chanter normalement. J'espère qu'il va pas nous faire faux bon. Ouais, petite dédicace à Chouté. C'est un rappeur qui va venir prendre un peu le microphone aussi pendant l'interlude entre les deux sets. Donc voilà, ouais, il y a un micro ouvert. Donc si vous avez envie de venir chanter, c'est quel que soit le style, voilà. Complètement. La musique, comme on le dit souvent, il y en a qu'une et c'est la manière de l'interpréter. Même si tu veux lire ton texte, tu es le bienvenu. Donc à partir du moment où ou des choses à partir du moment où tu es dans le respect des gens et du lieu et de l'environnement, la porte et le micro est ouvert, tu vois. D'accord. Donc l'ambiance sera, j'ai vu l'affiche, c'est vert, jaune, rouge, les couleurs du reggae, yes. Les couleurs de la Jamaïque, la couleur de beaucoup de drapeaux africains aussi, il faut le savoir. Ouais. Donc c'est un retour un petit peu aux origines, mais apparemment la soirée ne sera pas que reggae, il pourra y avoir plein de choses. C'est-à-dire vous bien êtes sûr. Vraiment ouvert et à partir du moment où c'est à majorité reggae évidemment, parce que le DJ il a une box, tu vois, avec des vinyles qui sont essentiellement reggae. D'accord. J'ai mon ami qui est un peu rappeur. On est quand même dans un microcosme artistique à ce moment-là. Mm-hmm. Donc ça reste hyper ouvert à la création. Et puis il faut pas oublier quand même que même les dans les sound machines là-haut en Jamaïque, il y a ce côté-là aussi. Il y a eu le dance hall, il y a eu plein de choses. Et donc le rap finalement est présenté, les rappeurs à l'origine présentaient, c'était des DJ qui présentaient les morceaux en parlant en rythme sur les introductions. Et petit à petit, c'est devenu un truc, un style à part entière. Et donc finalement, rien n'empêche de rapper sur alors, une autre musique. Hein, voilà. Le rap ou autre chose, le dancehall, il y a des mecs qui reprenaient des classiques de la soul music. Hein. Mm-hmm. Je te rappelle qu'ils ont repris des morceaux de Sting, des morceaux de rock, de oldies, rock steady. Donc à un moment donné, c'est hyper ouvert, hein, tu vois. Et c'est justement ça le truc, en fait. C'est pourquoi s'enfermer dans des cases? J'ai envie de te dire, rentre dans une forêt, en fait. Mais ça, c'est un. Tu vois, typiquement français, quand même, de vouloir caser tous les trucs, ouais, rangés dans des. Je pense que c'est d'abord dossiers, humain. C'est d'abord humain au départ. Ouais, mais. C'est bien d'être, maniaque, hein. Mm-hmm. Mais il y a un moment donné, frère, il faut de la vie, tu vois. Quand tu vois qu'une fleur, elle peut pousser à n'importe quel endroit, tu vois. Mmh. Et qu'une forêt avec ce tas d'humus, il y a toute une vie qui enfin, il y a un moment donné, les preuves, elles sont devant nous, tu vois. Il y a un moment donné, il y a un point d'équilibre entre ranger sa maison, qu'elle soit propre, et que c'est trop maniaque et perfectionniste, quoi. Mmh. Tu vois, enfin, il y a un moment donné, il faut mettre un peu d'eau dans son vin, ou un peu d'eau dans son thé, tu vois. Et puis, essayer des fois de laisser un peu couler les choses, en fait. Ouais, dans son jardin, il faut laisser pousser un peu les fleurs, ouais, comme elles viennent, et puis les laisser un petit peu le côté sauvage aussi. C'est hein. Ça. Bah, quand on nous dit trop... des mauvaises herbes, je suis pas d'accord. Moi, je dis c'est des herbes tout court, en fait. C'est pas des mauvaises herbes, en fait. C'est vous qui dites qu'elles sont mauvaises. En fait, en même temps, je remets en question pas mal de choses qui sont établies, tu vois. C'est un peu mon délire. Mais j'en fais pas tout un fromage. Moi, je suis juste force de proposition. Je suis un artiste un peu déluré avec ma vision des choses. Apprendre ou à laisser, voilà. D'accord. Bon, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront intéressés, justement. Bon. Et puis, le dialogue, tu es toujours ouvert au dialogue. Tu as toujours tes choses à dire. Et puis, quand les gens te parlent, tu les écoutes aussi. Je sais que toi, tu es quelqu'un qui perçoit vraiment un peu toutes les personnes autour de toi. Et tu analyses beaucoup de choses. Et puis, tu en fais tout un truc. Et tu es capable de t'adapter à plein de choses différentes. Merci beaucoup. On le voit avec les styles de musique, avec... c'est pour ça que dans l'émission Mavrika, on est très. Tu es venu une première fois et puis tu reviens assez régulièrement. Yes. Pourquoi? Parce que t'as cet esprit de partage déjà, de passer un bon moment ensemble, de convivialité avec les gens. C'est la chose la plus importante, quoi. Si vous êtes un peu comme nous, comme Albino et Yous, venez nous voir. Venez nous rencontrer. Nous sommes ouverts. On est ouverts. On est là pour partager des choses. Je pense que c'est vrai que tu l'as dit. Le Covid, à un moment donné, ça nous a enfermés sur nous-mêmes. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, il faut sortir, quoi. Il faut se libérer de nos chaînes, là. Ouais. Voilà, sortez de chez vous. Allez péter un coup dehors. Ça va vous faire du bien. Reprenez goût à la vie. Il y a un ciel. Faut en profiter. C'est vrai que Netflix, ils sont super forts. Hein. Moi, le premier, hein. Regarder des séries entre quatre murs, mais il y a un moment donné, c'est tellement bon de sortir, tu vois. D'aller voir des gens manger un truc. Toi, t'es plutôt, tu préfères les faits que les paroles, quoi. Tu préfères les actes, ouais, c'est ouais. Ça, non? Après, t'as vu, des fois, je suis un peu fatigué. J'aime bien rester dans ma couette aussi, hein, des moments. Ouais, donné. Bah oui, je pense qu'on a des hauts et des bas. Je suis rock'n'roll, hein, t'as vu. Hein. Moi, ça m'arrive. Hein. Et comme on dit aussi, le dire c'est bien, mais le faire c'est mieux. Et toi, t'es plus pour les actes. Ouais. Essayer de faire quelque chose. Ouais, non, mais moi, en ce moment, j'ai envie de faire du concert, tu vois, j'ai envie d'exister artistiquement, je me donne les moyens. D'ailleurs, dédicace à Avoriaz, j'ai mis un petit pied maintenant dans des réseaux, je sors un peu de ma grotte, tu vois, j'essaie de rencontrer des réseaux, des gens, des artistes. Avec Mickaël. Ouais, pour essayer de partager du concert, du vivant, tu vois. Être force de proposition, parce que aussi j'ai des compétences, donc si je peux aussi aider des gens, tu vois, dans l'esprit associatif et bénévole, ben c'est cool, tu vois. Et ce qui se passe aussi, c'est que toi, tu fais de la musique, tu es intéressé par tous les côtés artistiques. Tu m'avais parlé aussi que tu voulais parler de plus en plus, tu voulais nous parler aussi un petit peu de vidéo. C'est-à-dire que tu voulais aussi te lancer de plus dans la vidéo. Parce que tu fais des clips, mais t'as envie de plus. En fait, j'ai envie de, comme on dit en anglais, j'ai envie de me upgrader, c'est-à-dire augmenter mon. mon domaine de compétence. Et effectivement, tu sais, l'image, c'est le gros problème avec moi. En fait, moi, j'adore le texte et le son. Le son d'abord et le texte en second. Et c'est comme tu vois, je t'avais dit, en trois catégories. Et là, il faut vraiment que je travaille sur l'aspect de l'image, en fait, tu vois. Et là, ça va être mon prochain challenge. J'en dis pas plus que ça parce qu'il faut que je charbonne un peu dans mon coin, tu vois, en termes de formation, d'évolution, de maniement d'outils, etc. Mais ouais, je pense que ça va être cool. On va pouvoir faire des choses intéressantes dans ce sens-là, tu vois. Mmh. Et toi, tu aimes pas perdre ton temps, justement. Tu dis, voilà, Netflix, tout ça, rester sous la couette, c'est bien de temps en temps. Mais tu as envie aussi de t'échapper. Et ce qui te rend heureux, c'est quand tu arrives à concrétiser quelque chose. C'est-à-dire que tu as un projet, t'as envie d'aller jusqu'au bout, et c'est ce qui te fait vivre. Bah, en fait, l'idée, c'est que quand t'es à fond dans un truc, moi, que ce soit le sport ou autre chose, eh ben, t'as l'impression que le temps, il s'arrête. Et ça, c'est magnifique. Mm-hmm. Ça fait durer un peu plus longtemps ta vie, en fait. Que ce que tu as fait n'est pas perdu. Tu n'as pas perdu ton temps. Tu as fait des choses. Et bon, après, il restera toujours quelque chose. Alors que si T'as l'impression d'être connecté à la source. Tu vois, il y a une source spirituelle et il y a une forme de connexion qui se fait quand t'es, comme si il y avait une verticalité avec un truc qui descendait, qui passait par toi et qui était relayé à l'humanité, tu vois. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, tu vois. D'accord. Et donc, du coup, des fois, j'en prends conscience. Des fois, non, tu vois, je suis pas omnibulé par le bail, hein, par le truc, tu vois. Mais voilà, il y a un petit peu ça de temps en temps quand tu prends du recul. Et c'est bien d'être connecté le plus souvent à la source. Tu crois qu'il y a une force, quoi, finalement, qui te donne une mission, quoi. C'est au niveau de la création. D'accord. Tu vois, tu as l'impression que les choses ont déjà été créées et que toi, t'es dans cette tu rentres dans la dimension de la création parce que tu crées des phrases, tu crées des ambiances musicales, tu vois ce que je veux dire. Et donc, tu crées un état d'esprit, tu crées comme un univers, en fait, entre guillemets. Donc voilà, l'idée c'est d'être connecté à la source de création et de devenir soi-même une forme de créateur. C'est bien d'être consommateur, hein. Moi, il n'y a pas de souci, je consomme, hein. Je suis le premier à faire à manger ou à acheter des choses pour faire à manger, hein. Mm-hmm. Et t'écoutes aussi d'autres artistes. Ouais, exactement. Ou alors acheter des vêtements, tu vois, j'adore les vêtements aussi, tu vois. Mais ouais, il faut, je pense, être aussi en mesure de pouvoir créer des choses aussi, tu vois. Moi, quand je fais à manger, je fais à manger, mais je fais à manger aussi pour les autres, tu vois. Et j'aime les voir kiffer manger ce que j'ai fait, tu vois ce que je veux dire. Il y a cette idée de partage et d'impression en disant, ah tiens, c'est super bon, le petit côté sucré là, machin, tu vois. Donc c'est ça qui amène du relief à la vie, en fait, tu vois, je trouve. Voilà, très bien. Donc on écoute un deuxième morceau parce qu'on papote beaucoup, et c'est bien aussi d'écouter de la musique. Le deuxième titre, c'est Paroles et actes. Ouais. C'est un morceau reggae aussi. Reggae et reggae. Un absus révélateur. C'est révélateur. Donc, merci. On va écouter ce deuxième morceau. Tout à fait. Et après, on se retrouve à nouveau pour continuer à papoter avec Yous, notre invité de cette émission numéro 526. D'ailleurs, j'ai déjà tout montré. Ils savent qui je suis. Je n'ai plus rien à prouver. Voilà, c'est l'attitude. Je ne meurs pas de lassitude. Hey, c'est ça qui nous guide. C'est ce qui fait qu'on monte des équipes. Hey, ce qui te tape, c'est qu'on est des mecs chauds. Ouais, regarde ça, c'est l'élite. Regardez les agents qui font le taf et ensemble se tapent l'argent des riches. Ce qui te bloque, c'est qu'il y a des gars qui sont en toute humilité. Et l'on besoin de l'eau. Et on ne raconte pas de pipo. Alors faites vite. Ce qu'elle a, au fond, je te le prête. Et je te le donne si je te prends. Je n'ai qu'une parole. Et je suis cet homme. Qui dit ce qu'il fait. Et qui fait ce qu'il dit. Non, je n'ai rien à cacher. D'ailleurs, j'ai déjà tout montré. Je suis, je n'ai plus rien à prouver. mon reflet. Oui, en face, est-ce un mirage ou est-ce vrai? Non, je ne tiens plus en place et je dois me livrer. Oh, ouais. Oui, je me dois de livrer. Soulève la vérité, c'est trop stupide. Fais gaffe à l'invective, sinon elle t'empêche de vivre. Y'a que le vrai que l'on cultive. Je parle de la réalité, gars. D'ailleurs j'ai déjà tout montré. Ils savent qui je suis. Je n'ai plus rien à prouver. Une parole est une parole maintenant. Je n'ai plus rien à prouver. L'honneur de mes proches je l'ai déjà trouvé. Oui, souvent seul, tel un hibou. J'essaie de me mettre bien avec les autres. Si je peux faire, je vais protéger les noms. C'est ce que j'ai à faire. Et quand je parle, je vais accomplir. Non, je passe pas mon temps à dire et je passe pas mon temps à mentir. La véracité des choses, mec. Non, pas de mythe, mais vrai, je joue le jeu. Mais y'a pas de bleu. Qu'une parole, qu'une parole. Et je suis cet homme. Je suis cet homme. Qui dit ce qu'il fait. Et qui fait ce qu'il dit. Ouais, non, je n'ai rien à cacher. D'ailleurs j'ai déjà tout montré. Ils savent qui je suis. Je n'ai plus rien à prouver. Voilà, encore un morceau bien cool. Notre invité de cette émission numéro 526, c'est Youss. Il est ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors, allez, on y va vite parce qu'on a plein de choses à dire et tu dois nous quitter dans quelques minutes, c'est pour ça. Yes. Sur les 3 heures, tu seras présent qu'une seule. Donc après, ouais. Derrière, j'ai plein de morceaux à diffuser comme les autres semaines, mais donc priorité à ce que tu as à nous dire. Donc ouais. On va redire à nouveau que tu seras en concert à Aubigny-sur-Nerre dans le 18. Au Manhattan, le bar. Voilà, c'est dans le bourg de Aubigny. Et donc, ce sera le samedi 12 novembre à partir de 21h pour une belle soirée reggae de mix et d'ambiance. Voilà. Donc, il y aura du vinyle. Donc, c'est à l'ancienne, comme les sound systems avec les grosses enceintes. Sound system, et puis avec les platines, hein, parce qu'on est resté à l'époque du vinyle. Moi, je me souviens, je voyais à l'époque, c'était justement en Jamaïque. Là-haut, c'était vraiment l'industrie du reggae, parce que finalement, le monde découvrait le reggae. Et là-haut, il y avait plein de bons artistes qui avaient envie d'enregistrer. Donc, il y avait la possibilité à l'époque d'aller dans des endroits où on faisait un pressage. Voilà, on enregistrait, on faisait un pressage aussitôt. Le gars repartait avec son vinyle. Et je me souviens de ce truc-là. Ouais. Et après, vinyle. Effectivement, il y en a eu beaucoup qui ont été faits tous n'ont pas été exportés. Et donc, heureusement, le DJ, comment il s'appelle le DJ qui sera là le 12 novembre? Alors, le sound system, ça s'appelle Interlion. Interlion. Interlion. Et en anglais, ça se dit Interlion. Donc, ouais, c'est Selecta Gégère, donc DJ Gégère, qui est connu dans la région. Et vraiment voilà, c'est des activistes qui mixent depuis une trentaine d'années, tu vois, du reggae, peut-être même plus. Donc vraiment là, vous êtes bien tombés. Hein. Donc des morceaux qu'on a peu de chance d'écouter ailleurs. En plus. Ouais, beaucoup de classiques évidemment reggae. Hein, ouais, Bob Marley, Peter Tosh, peut-être Tosh, des reprises, etc. Pas mal de choses, mais on va dire beaucoup d'exclusivité avec des beaucoup de raretés en fait. Tu vois, ils ont ce qu'on appelle une box avec de la qualité de chanteurs et de musique, tu vois. Et c'est beaucoup d'exclusivité, tu vois. Ils ont vraiment la main mise sur ce genre de choses et c'est très spécial. Donc si vous venez à cette soirée, vous allez redécouvrir des choses intéressantes. Voilà. Sinon, dans les gens qui t'ont influencé, tu nous as parlé tout à l'heure de Bob Marley. Ouais. Est-ce qu'il y en a eu d'autres, des gens auxquels on pense? Énormément. Lionel Richie, Michael Jackson, Stevie Wonder, James Brown, Ray Charles, Otis Redding. Il y a tous les styles. Tu vois, si on prenait un artiste par continent, je dirais même Manu Chao, tu vois, pour l'Amérique du Sud, même s'il est de la Mano Negra. D'accord. Qui est français, tu vois. Voilà. Lui, il est fils d'une Galicienne et d'un Catalan, c'est ça. Vois, et après, il a été en France, et après, il a fait aussi l'Amérique du Sud, où là, il a fait des concerts, une série de concerts. Manu Chao, voilà. Côté reggae aussi, hein. Bah ouais, carrément. Mais enfin, si tu veux, moi, en tant que compositeur aussi de musique, j'écoute énormément de choses, tu vois, pour m'inspirer. Je vais même sampler des choses, tu vois, en Asie. Des voix tibétaines, tu vois. Je vais aller chercher du didgeridoo, des voix tibétaines, tu sais, qui sont un peu tremblantes, là, tu vois, des trucs comme ça. vraiment, je suis dans une hyper ouverture dans l'espace et dans le temps, tu vois. Je me limite pas, au contraire, tu vois. Je voyage dans le temps et dans l'espace, tu vois, avec la musique, en fait. Mm-hmm. Donc tu t'inspires de plein de choses de partout pour faire ta musique à toi, et donc là en ce moment c'est ta période reggae, mais tu nous fais aussi pas mal de choses différentes. Tout à l'heure on écoutera plusieurs morceaux et plusieurs styles que tu interprètes au fur et à mesure. Donc aujourd'hui t'es venu plus pour nous parler de reggae, parce qu'il y a cet événement. Je fais une soirée reggae, voilà. C'est ce que je propose en ce moment sur scène. Donc voilà, content de faire ce concert samedi et de proposer cette reggae pendant une heure, tu vois. Donc je vais pouvoir m'éclater sur ce show, tu vois, avec des ambiances différentes, tu vois. Ça peut être du roots comme un peu de dancehall et des instruments un peu plus rapides aussi, tu vois. Voilà, et donc il y aura du chant, il y aura du toast, voilà. Et puis j'ai même mon ami rappeur qui va venir nous accompagner le temps de la soirée, tu vois. Donc tu nous parles de cette soirée, mais est-ce qu'il y aura d'autres concerts qui sont prévus déjà? C'est ce que j'espère. Là, pour le moment, il n'y a rien d'acté. Il y a juste celui-là pour l'instant qui est sûr. Et après, voilà. Et pour le moment, on est en cours d'organisation. Donc là, c'est un peu l'hiver. C'est vrai que les concerts, c'est plus quand il fait beau, tout ça. Mais il y a quand même des bars à faire. Il y a quand même matière à faire, des scènes ouvertes. Là, je suis en train de m'inscrire sur tout un tas de choses. Bah, j'espère que je vais pouvoir exister artistiquement dans le vivant, dans ce sens-là, tu vois. D'accord. Donc là, tu as sorti. C'est un album que tu as sorti. Il y a six titres. Non, il y a quatre titres en fait. D'accord. J'ai pas encore promotionné le truc, tu vois. C'est-à-dire que je l'ai pas encore vraiment mis en forme sur Internet, etc. Là, ce soir, c'est en exclusivité. Hein. Complètement avec Radio Campus. Moi, l'idée quand je fais de la musique, c'est que j'aime bien que ça soit partagé, tu vois. Alors après, il y a toute une mise en place technique à faire. Tu vois, c'est un peu fastidieux. C'est comme tout. Hein. Donc voilà. Pour moi, c'est très facile de venir à la radio, de vous passer le son et de le partager avec les gens. Moi, c'est ça le but. Hein. Moi, je suis dans le partage, tu vois. Bah, on est là pour ça dans l'émission Mavrika, pour accueillir les artistes et pour leur donner la parole. Donc on est content de t'accueillir pour cette émission une fois de plus. Bon, de toute façon, tu connais le chemin. Dès que tu as de l'actualité, si tu as encore un nouveau style que tu as envie d'explorer, tu reviens nous voir, il n'y a pas de souci. Et là pour l'instant, on va écouter un petit peu de musique. Ouais, vas-y, c'est cool. Donc le troisième morceau, alors c'est un morceau qui s'appelle Qu'est-ce qu'on attend pour vivre, et c'est un morceau qui fait un petit clin d'œil à la période du Covid qu'on a vécu, mais de manière ironique, toujours avec un peu d'humour. Ouais, parce qu'on ne nous a pas laissé trop le choix à cette époque-là. Voilà. Maintenant, on a le choix, donc il faut sortir. Il faut surtout ne pas arrêter de vivre. Il faut continuer. Ouais, il faut continuer à vivre. C'est parti. Je suis cet homme qui fait son bonhomme de chemin, comme tout le monde. Oui, cet homme qui se réveille chaque matin et se demande où va le monde. La vie des fois c'est pire. Regarde ces filles sur Insta qui sont au poil quand elles s'épilent. Chacun sa story, sa souris. Le temps passé ça pourrit. Mais t'es trop gros, tu t'es nourri d'oreilles, pas du gave et de fruits. La tête dans le guidon, on n'arrive plus à respirer. t'as l'air de faire le con depuis qu'on est déconfiné. Ouais man, t'as le sourire, tu vas bien kiffer, c'est l'été. Soleil, coquillage et crustacés. Non, j'en ai jamais. Ouais, j'en ai marre de voir ta gueule tous les jours, ça me saoule. J'ai juste envie de te dire, vas-y, fous ta cagoule. Toute l'année. C'est tous les filtres, c'est tous les shots, c'est toutes les nanas qui se pointent en poum poum chat. La tête dans le guidon, on n'arrive plus à respirer. Oui, respirer. T'as l'air de faire le con depuis qu'on est déconfiné. Tu vas bien kiffer, c'est l'été. J'espère que c'est pas pour nous que tu as dit ça. Hein. C'est de l'humour, c'est de l'humour. Voilà. Non, mais je sais très bien. Donc voilà, un morceau qui est sorti après le Covid, hein, qui nous dit voilà, il faut un petit peu bouger maintenant. Le Covid, c'est fini, on est plus obligé de rester à la maison. Et puis il faut continuer à vivre, hein, parce que la vie, on en a qu'une. Il faut aller vite. Hein. Ouais. Et elle passe très vite, donc il faut essayer d'en profiter au maximum. Et donc moi, je conseille aux gens d'aller au concert le samedi 12 novembre au Manhattan, donc c'est à Aubigny-sur-Nerre dans le département 18. Yes. Et donc il y aura une soirée reggae où tu seras là donc pour faire deux sets de 30 minutes, c'est ça? Ouais, c'est ça, une heure de show. Et vous avez l'affiche qui est disponible sur Facebook, vous tapez Yous avec un tréma sur le U, YOU tréma 2S. Et vous allez tomber sur mon profil et voilà, et vous aurez les informations en détail. Très bien, super. Bon, en tout cas, merci Yous, parce que je sais que tu dois t'absenter maintenant. Yes. La musique merci continue sur Radio Arc-en-Ciel avec l'émission Mavrika. Et tu reviens quand tu veux, il n'y a pas de souci. Ouais, ce qu'on va faire, on va passer de la musique. Et pendant ce temps-là, on va faire quelques photos quand même pour avoir des souvenirs de cette émission. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois venu, même si tu es un petit peu pris en ce moment par le temps. Ouais. Mais quand tu veux, tu reviens et on fera encore une autre émission. Tu l'as déjà fait pour faire une petite surprise à notre ami Yavana il y a quelque temps. Je te remercie et à très bientôt. À plus. Oui, nous les prophètes en son pays. Y a l'amour, y a la vie. Oui, tout a une fin, tout finit. Et si mon cœur se serre et que je fais une tête de six pieds sous terre, ne le prends pas mal, mon frère. C'est que j'ai souffert. Je dois relever la tête et regarder l'horizon. À force de nous prendre pour des bêtes, ils finissent par nous prendre pour des cons. Et c'est là que je m'endors, que je m'énerve et que j'envoie du valser. Je pète un câble et ferme les portes. C'est quoi? Dans la ville, oui, nul n'est prophète en son pays. Beaucoup d'entre eux nous ont trahis. Ils auraient pu être de vrais amis. Comment exister dans la ville? Oui, nul n'est prophète en son pays. Il y a la mort, il y a la vie. Oui, tout a une fin, tout finit. Jari. Vous écoutez Albino, notre pote sur Arc-en-Ciel, dans l'émission Mavrika. À quoi ça sert une innocente en prison? À quoi ça sert une innocente en prison? À qui profite autant de douleur? Ces gens-là n'ont-ils pas de cœur? Tout cela m'est insupportable, insupportable. Je veux me battre jour après jour et continuer de vivre. Hier, aujourd'hui, pour toujours. Je veux me battre jour après jour et continuer de vivre. Gonflé par vos marques d'amour. Hier, aujourd'hui, pour toujours. Pour que jamais. À quoi ça sert une innocente en prison? Je me suis souvent posé la question. Pourquoi un tel acharnement contre moi dans un pays qui ne respecte pas la loi? Jour et continuer. descendent en prison. À qui profitent autant de douleurs? Ces gens-là n'ont-ils pas de cœur? Tout cela m'est insupportable, insupportable. sent out in the night. No more words to speak, no more letters to write. Watching my bottle get caught in the way. Maybe I'm just not worthy enough to be saved. I'm losing control. I'm losing my mind. And it's only a matter of time when it's trying to survive. Just one day in hell. You better know. Le groupe s'appelle Gunwood. Je les ai vus deux fois en concert. Je les avais interviewés aussi lorsqu'ils étaient passés à Balade en Musique. Si vous avez l'occasion d'aller les voir en concert, n'hésitez surtout pas. Le groupe s'appelle Gunwood. Et le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Better Know Yourself Well. Juste avant, c'était nos amis les Chili Dogs avec Take It. Et encore avant, c'était La Jarry avec Marc D'Amour. On continue avec un groupe que nous allons bientôt recevoir dans l'émission Marika. Il s'agit de Custom et le morceau qu'on va écouter, c'est Rock and Roll Party. on, come on, come on, girl, you wanna feed your soul now? Oh yeah, we are ready now. This way.

sont les miens. Devant moi, défais leur manège et fais tomber leur fantassin. Tu lances tes paroles en l'air. Qui disent au revoir et font les liens. Dans ton plaidoyer solitaire dansent les mots où tu me dépeins. De la plus belle des manières, je me blottis dans ton refrain. Tu lances tes paroles en l'air. Sur Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavrika, c'est le vendredi de 19h à 22h. Voilà, ce soir, nous avons reçu Youss, mais il avait un petit rendez-vous juste après, donc on a pu quand même savoir qu'il était en concert le samedi, voilà, samedi 12 novembre à Aubigny-sur-Nère, au Manhattan. Donc, si vous avez envie d'aller le voir, ça commence à 21h et ça sera ambiance reggae avec notre ami Youss. On a écouté plusieurs artistes, on a écouté les Uncle Pikers à l'instant avec Never Come Back, Alex Lebail avec La Vie, Harry Goni et Georges Diapoulikin avec Défends-moi, et Elsia avec No Game, les Red Daff avec Phone et Custom avec Rock'n'Roll Party. Et maintenant, on va rejoindre les Neutral avec I Don't Care. sur Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrika tous les vendredis à partir de 19h. Alors on écoute beaucoup de bonne musique, on écoute par exemple les IFP Infernal Flash Pep avec Hot Drive. Voilà. Juste avant c'était les Neutral avec I Don't Care et juste après on va poursuivre avec les Corrosive System. C'est le groupe qui était notre invité la semaine dernière. On avait découvert leur album, super bien fait, hein, et pour ceux qui aiment la musique rythmée, écoutez tout de suite Instinct Bestial.

encore un autre brestois d'ailleurs, avec À Marche Forcée. Et actuellement, c'est le groupe Caviar Spécial avec un morceau qui s'appelle Vortex. Voilà. Alors, depuis quelques temps, nous avons reçu beaucoup d'artistes. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure de Dérapade qui était venu le 21 octobre, de Corrosive System la semaine dernière, donc le 28 octobre. Aujourd'hui, c'était Hughes qui était là pour nous parler de sa carrière qui continue. Hein. Donc aujourd'hui, il est plutôt orienté reggae. Et d'ailleurs, il fait un petit concert le 12 novembre à Aubigny-sur-Nair, au Manhattan. Donc, on vous l'a dit tout à l'heure. La semaine prochaine, nous allons recevoir ici, c'est le 11 novembre, donc ce sera un groupe qui sera payé double, puisque c'est un jour férié. C'est le groupe Swim Camille qui viendra dans nos studios. Et il y aura du live, hein, ça je peux vous le dire. Le 18 novembre, ce sera le groupe Lajari qui sera le présent. Voilà, ça fait un petit moment qu'on ne les a pas reçus. On avait pris l'habitude de les recevoir toutes les années au mois de décembre. Cette fois-ci, ils viennent au mois de novembre. Voilà, ils sont pressés de revenir. On est bien content de les retrouver. Donc le groupe Lajari, le 18 novembre. Le 25 novembre, ça sera un nouveau groupe que nous avons découvert il y a quelques temps en concert. C'est le groupe Jesus Whiskey. Si vous aimez le blues, soyez présents le 25 novembre. Le 6 janvier, nous commencerons l'année avec Alex Le Bike, qu'on a écouté tout à l'heure. Le 20 janvier, ça sera 2 gigs. On écoutera un petit morceau justement juste après. Le 3 février, ça sera le tour des brunettes ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et le 24 février, ça sera Anaïs from Paris, donc un groupe de Paris qui viendra donc nous présenter son travail. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Looking for freedom.

faux départ. C'est du retard et moi je tente. Mais qu'importe, tu sais car au final, moi j'ai pas la même définition du mot star. À contresens, toujours viser la lune car même en cas d'échec, j'atterris dans les étoiles, ben ouais. Même si le présent est imparfait, je recule pas, je prends juste de l'élan pour décoller. Comme toi t'attends que je tombe sans déconner. Y'a pas que le présent qui est imparfait. Non, j'ai pas besoin qu'on valide, pas besoin qu'on valide, non. J'ai pas besoin qu'on valide, pas besoin qu'on valide. Endroit où je vais, envers du décor, je mets tout le monde d'accord. Bye bye, puisque je m'en vais. Bas, il fait chaud, là-haut il fait beau. Ça brille de mille feux, j'ai rien besoin d'autre. Tu vois, pour moi rien n'est impossible. J'avance, j'avance, toujours viser la lune. Car même en cas d'échec, j'atterris dans les étoiles, bah ouais. Même si le présent est imparfait, j'avance, j'avance, y'a pas d'issue. Si tu me suis, advienne que pourra, qui vivra verra, ouais. Plus rien à perdre, j'ai déjà tout mis, c'est dans les étoiles. Hey, j'ai pas besoin qu'on valide, pas besoin qu'on valide, non. J'ai pas besoin qu'on valide, pas besoin qu'on valide, non. Avec la tête dans les étoiles, et juste après un groupe que nous allons recevoir très bientôt, ça sera le 20 janvier. Il s'agit du groupe The Jig, et on va écouter un morceau qui s'appelle A Real Good Time. vraiment pas mal. Le groupe 2J qui sera avec nous le 20 janvier. Et retenez bien cette date parce qu'il y aura du live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec le groupe 2J juste après. Jesus Whiskey. années 3 dans la soute. Ça ne fait plus l'ombre d'un doute. Nous mangerons franc pendant la route. Ça ne fait plus l'ombre d'un doute. Le ciel a perdu notre route. Il fait soleil si je t'écoute. C'est quoi la couleur dominante? On voit comme sous une toile de tente. C'est fou ce que l'espace nous hante. De tente. C'est fou ce que l'espace nous hante. sommes ensemble jusqu'à 22h dans l'émission Mavrika et nous avons écouté trois groupes qui étaient venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ça fait un petit moment. Alors déjà, on a commencé par le groupe Jash avec un morceau qui s'appelle Un Olivier. Le groupe Jash qu'on avait fait jouer aussi sur un Mavrika Live. Voilà, donc on a écouté ce morceau-là qui s'appelle Un Olivier. Juste après, c'était La Vie sur Mars avec À l'ombre. La Vie sur Mars, c'est un groupe de la région parisienne qui était venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc s'ils nous écoutent, ils peuvent toujours revenir pour nous redonner de leurs nouvelles, parce que je sais qu'ils tournent encore, hein, le groupe La Vie sur Mars, avec un morceau qui s'appelle À l'ombre. Juste là, à l'instant, on écoute From Dust to Nowhere avec Le Silence et d'or. Juste après, on continue avec Max Livio qui se pose une question, voilà, où va le monde ? Comment arrives-tu à rester pacifique? Sans broncher, sans rien dire, tu te condamnes à subir. La terre tremble sous tous les angles. Les scientifiques parlent de réchauffement climatique. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Où va le monde? Au milieu de nulle part, perdu sans boussole. Se perdent et se transforment. Où va le monde? Il est de nulle part, perdu sans boussole. Les valeurs se perdent et se transforment. Le désespoir éveille en nous ce sentiment d'injustice. Ouais, dans un climat électrique, les politiques se déchirent, les gros patrons s'enrichissent. Philosophes avec des chiffres, des pronostics. Et nous jouons les girouettes, aussi vite qu'ils retournent en baisse dans la panique. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Où va le monde? Au milieu de nulle part, perdu sans boussole. Les valeurs se perdent et se transforment. Où va le monde? Au milieu de nulle part. Je ne veux plus faire partie de ce monde. Je ne veux plus mourir à petit feu. La bêtise humaine nauséabonde. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Où va le monde? À toi, oui, toi, je ne me vois pas te toiser ni même te montrer du doigt. Je ne me vois pas céder à la haine. Je ne me vois pas succomber à la peine. Aucun sentiment d'hostilité à ton égard. Si je vois le contraire au fond de ton regard, je ne veux pas prendre mon ami mais donner tout ce que j'ai. Tout ce que l'on possède dans la vie se trouve dans nos gènes. Je ne me vois pas céder à la haine. Je ne me vois pas succomber

rengaine, avale dans tes sanglots de l'amour ou de la haine qui donc aura bon dos. J'ai eu ce cri de guerre, pas un concert, mais un son. Je donne ma main à l'enfer pour cracher à ma vision. Où est-ce que la fièvre est un exopinion? Est-ce que ma peine était un retour de sanction de l'incendiaire? Il faut penser aux questions, serait-ce la bête ou bien l'oppression? C'est le Vlad Piton Group. Juste avant, c'était La Sentinelle, reprise par le groupe Rose Park. Encore avant, c'était Sadia du Positif. Et on avait commencé cette série musicale avec Max Livio, Où va le monde? Toujours la question qu'on se pose. Donc, juste après, on écoute le groupe Ice Cream avec Ballerina. Et on arrive bientôt à la fin de cette émission. Aujourd'hui, c'était la version un petit peu spéciale, donc moitié morceau enregistré, et la première partie était en compagnie de notre ami Yous. On continue tout de suite avec Ice Cream Ballerina.

Très vite sur Radio Arc-en-Ciel, c'est bientôt la fin de l'émission Mavrika. Aujourd'hui, c'était l'édition numéro 526. Nous avons reçu la première heure notre ami Youse qui est venu nous parler un petit peu de ses projets, surtout du côté reggae. Donc, il sera en concert très bientôt, le 12 novembre. Ça se passe au Manhattan et c'est à Aubigny-sur-Orge dans le 18. Voilà. Là, on vient d'écouter plusieurs artistes à la suite. On a écouté les Ice Cream avec Ballerina, les Red Reef à l'instant avec Planet of Solid Sense, et à l'instant, là, ce qu'on écoute en ce moment, c'est le groupe Birmingham. D'ailleurs, je m'excuse de parler sur ce titre-là, mais on arrive à la fin de l'émission et il va falloir rendre l'antenne. Donc, le morceau qu'on écoute s'appelle Fairy Train et on terminera cette émission avec Gome, Longer Time. Voilà, cette émission de Marika se termine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et puis on sera en compagnie d'un groupe Place au Swing, ça sera le groupe Swing Camille le 11 novembre dans l'émission Mavrika. Voilà, on va dire les phrases magiques, que le rock and roll soit avec vous, une vie sans musique serait une erreur et everything is gonna be alright. Voilà, cette émission se termine, je vous dis à très bientôt. Análise de rentabilidade, modelo de exploração e estudos para o planeamento do troço transfronteiriço comum desta conexão. Quanto à ligação de alta velocidade Lisboa-Madrid, Pedro Sanches garante que é prioritária e que Espanha tem trabalhos adiantados, por exemplo, com o atual funcionamento de 150.